condamnés à nous guider tant de masse à aimer. Copina, saluant ta mémoire, là-haut, tout près de Jean Bas, c'est ta gloire, tant d'années. Pour les enfants,